Curieuse idée d'un cycliste anglais pris de boisson. Projet d'image par Carandache. 1. Un Anglais, jeune encore, mais original et un peu intempérant, provisoirement en villégiature dans un château des environs de Blois, roule sur sa bicyclette à une allure qui relève du vertige. Il commet, en outre, 1000 imprudences, dont la moindre peut causer une catastrophe prématurée. 2. Il fallait s'y attendre. Sa machine, lancée d'une main sûre, vient s'aplatir comme un orme séculaire en bordure sur la route. Pas trop de mal, cependant. Un pneu crevé, quelques rayons cassés, d'insignifiantes éraflures personnelles. Il fallait s'y attendre. 3. Après pansement externe et interne dans une pittoresque auberge où il y a un petit vin blanc, je ne vous dis que ça, rentrée pédestre au château. 4. L'Anglais s'empare du seul attelage disponible, une petite voiture en osier qui sert d'habitude au bébé et que traîne un amour de petite âne. Il s'y installe avec sa machine fracassée et se dirige vers Blois, où d'habiles artisans refont des virginités aux bécanes endolories. 5. Il conduit son attelage à l'hôtel et recommande qu'on soigne bien son petit âne. 6. L'habile artisan contemple la machine d'un œil professionnel et « Il y en a pour une heure », déclare-t-il. « Une heure ? Oui, une petite heure. « Je reviendrai dans une petite heure, » conclut l'Anglais. 7. Notre insulaire, à qui le petit vin blanc de tout à l'heure a donné grand soif, va boire un bock dans le grand café de la rue Denis Papin. Et puis un autre bock. Et puis un autre bock. Le délai se passe ainsi et notre ami revient chez l'habile artisan. 8. L'habile artisan n'a pas encore fini. Il a été dérangé, dit-il, par une incessante clientèle. « Dans un quart d'heure, ce sera prêt. »« Dans un quart d'heure ? » ?»« Dans un petit quart d'heure. »« Je reviendrai dans un petit quart d'heure. » 9. Loin d'avoir désaltéré l'Anglais, la bière, au contraire, ne fit que l'empâter. Il demande du gin et du soda. « Nous avons bien du gin, » dit le garçon. « Mais pas de soda. » Alors. « Donnez-moi du gin sans soda. » Il remplace le soda absent par un petit supplément de gin. Et il retourne, le petit quart d'heure expiré, chez l'habile artisan. 10. « J'ai encore été dérangé, » fait le bécanier. « Mais asseyez-vous, ça va être prêt dans 5 minutes. »« 5 minutes ? » ?»« 5 petites minutes. »« Je reviendrai dans 5 petites minutes. » 11. Comme l'heure de l'apéritif a fini par sonner, l'Anglais retourne au café et se commande une absinthe copieuse et soignée à laquelle il consacre ses 5 petites minutes. 12. La machine est prête. Heureusement, car le fils de John Bull se trouve sur le seuil de l'ivre-mortisme. Pourtant, il enfourche assez cavalièrement son ustensile et roule vers l'hôtel pour y retrouver la voiture et l'âne. 13. Le palefrenier n'est pas là. « Ça ne fait rien, » dit l'Anglais. « Je vais atteler moi-même. » Et il est tellement gris, le pauvre garçon, que voici comment il procède. Il attelle l'âne à sa bicyclette. Il s'ajuste sur le dos de la petite voiture en osier, comme les Espagnols font de leur guitare, et il sort ainsi, à la grande stupeur des gens de l'hôtel. 14. Ce n'est que rentré au château qu'il s'aperçoit de son erreur. 15. Il est le premier à en rire. À propos ingénieux d'un voyageur de commerce. J'ai toujours aimé le voyageur de commerce. Philosophe, gai, souvent spirituel, qu'il pleuve ou vente, toujours il chante, soir et matin sur son chemin, et lorsque par hasard quelqu'un s'informe « Quel est donc ce farceur ?» vous pouvez répondre hardiment « Eh bien, c'est un commis voyageur, avec 80% de ne pas vous tromper. J'ai même envie de faire une chanson là-dessus. » Il y a peu de jours, j'eus l'occasion de déjeuner en compagnie de voyageurs, et je ne vous cache pas que ce fut pour moi une véritablement bonne heure. D'abord, j'acquis sur différentes spécialités industrielles et commerciales des connaissances dont je me félicite aujourd'hui. Et je connus, en outre, quelques piquantes anecdotes dont je m'excuse, envers ces messieurs, de dérober une pour la servir en pâture à mes petites lectrices chéries. Un voyageur d'une maison assez importante de la rue du Sentier rentrait dernièrement à Paris après une tournée plutôt infructueuse. Un des patrons lui fit à ce sujet quelques observations mi-paternelles, mi-sévères. « Oh, je ne sais pas ce que vous avez, mon ami, mais depuis quelque temps, vous n'augmentez pas beaucoup notre chiffre d'affaires en province. »« Oui, je sais bien, mais que voulez-vous? Ce n'est pas de ma faute. Les affaires ne vont pas. Tout le monde se plaint. » Ne croyez pas cela, mon ami. Quand on représente la maison Saul Troulata et Alcindor, on doit faire des affaires quand même. Oh, parfaitement. Votre insuccès, j'en suis persuadé, tient à votre façon de vous présenter. Comment vous présentez-vous? Je me présente, dame. Comme tout le monde. Montrez-moi comment vous vous présentez. Que dites-vous en entrant? Ici, le voyageur eut la forte velléité d'envoyer promener son patron. Après tout, il n'était pas payé pour faire ainsi le Jacques devant son patron et ses collègues. Mais l'autre insistait toujours, plus paternellement, maintenant. « Voyons, mon ami, montrez-moi comment vous vous présentez. Vous êtes un excellent employé. Et si vous ne faites pas un chiffre d'affaires plus élevé, c'est que vous ne savez pas vous présenter au client. Que lui dites-vous en entrant au client ?»« Je lui dis bonjour, et je lui demande s'il désire voir ma collection. »« Justement !» Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Je vais vous montrer, moi, comment on doit se présenter. Tenez, asseyez-vous là, mon ami. Vous allez jouer le rôle du négociant de province. Moi, je ferai le rôle de voyageur de commerce. Et la petite scène suivante a lieu. « J'ai bien l'honneur de vous souhaiter le bonjour, monsieur, » dit le faux voyageur. « Bonjour, bonjour, » grogne le faux négociant de province. J'ai une collection entièrement nouvelle avec moi, et je vous prie, monsieur, de bien vouloir m'accorder un instant pour vous la montrer. Qui êtes-vous? Je suis monsieur X, voyageur de la maison Saul, Troulata et Alcindor. Ah, vous êtes le voyageur de cette maison. Eh bien, tant mieux pour vous. Car si au lieu d'être simplement le voyageur, vous étiez le patron, je vous sortirais de chez moi à coups de bottes dans le derrière. Tout le monde, naturellement, à commencer par M. Alcindor lui-même, s'esclaffa de cette inattendue sortie. Et le voyageur, malgré son très vif toupet, fait encore partie de la maison Saul Troulata et Alcindor. Une mauvaise nuit. Vague scénario pour le théâtre de l'œuvre. J'avais salué ce monsieur machinalement, sans me rappeler où ni quand je l'avais connu. Lui me rendit un coup de chapeau, pas mieux informé. Ce n'est qu'un bon quart d'heure après cette marque de mutuelle et banale courtoisie que je me souvins. Ce gros homme rasé avait occupé, pas longtemps, mais il l'avait occupé, un petit appartement contigu à celui que j'habitais sur les hauteurs de Montmartre. Il était quelque chose comme un substitut de province ou je ne sais quoi d'autre dans la même industrie. Affublé en dehors de ses appointements d'une rondelette aisance personnelle, il avait loué à Paris une petite garçonnière où il venait consommer ses extrajudiciaires et honteuses fredaines. Une fois par semaine à peu près, je l'entendais rentrer chez lui sur le coup de 2 heures du matin avec une provisoire compagne. Du fond de ma chaste couche, je percevais comme un murmure assourdi de débauche. Je gloussais la douce protestation de l'homme surpris en plein sommeil, et je me rendormais de plus belle. Un soir que je me trouvais dans la loge de ma concierge, dont la fille me demandait des billets de théâtre, je vis mon luxurieux voisin et sa maîtresse d'une nuit. Lui, pareil à ses semblables. Elle, une jolie petite bonne femme du Moulin Rouge, sur laquelle je me sentais poindre depuis quelque temps de véhémentes intentions. Le substitut entr'ouvrit la porte de la loge et demanda « Rien pour moi ?»« Rien, monsieur, » répondit ma concierge. et la petite concierge, dès huis clos, me dit « C'est votre voisin !» C'était lui, mon voisin. C'était ce gros veau libidineux qui se permettait d'occuper, en compagnie de femmes légères, un appartement séparé du mien que par l'épaisseur d'une pelure d'oignon, à peine. Et je me fis, sur mon propre hôtel, le serment que ce justicier départemental ne dormirait pas cette nuit, ou qu'il dormirait mal, ce qui est plus terrible que de ne pas dormir du tout. À peine fus-je entré dans ma chambre que mon oreille se colla sur la cloison. Mon voisin n'avait pas perdu de temps. Déjà, il comptait un tas de saloperies à la petite courtisane. Cette dernière bâillait et tuait le temps à l'aide d'un breuvage dont je ne pus déterminer la teneur exacte. Ils se couchèrent. Alors moi, chaussée de pantoufles, dont la semelle semblait empruntée à la peau de dessous ou les pattes de je ne sais quel félin silencieux, j'ouvris ma porte, me glissai vers la sonnette du débauché. « Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding !» Avez-vous entendu retentir jamais les sonnettes de Jéricho? Non, dites-vous? Eh bien, imaginez-les-vous. 11 secondes s'écoulèrent et déjà mon oreille s'était remise à son poste contre la cloison. « Avez-vous jamais, pardonnez-moi de vous interpeller ainsi à tout bout de champ, avez-vous jamais, dis-je, perçu une couleur avec votre oreille? Non, dites-vous? Eh bien moi, j'entendis que ces deux individus étaient devenus blêmes. On a sonné. Oui, on a sonné. Quelqu'un a sonné. Il y a quelqu'un qui a sonné. Bref, on se serait cru dans un drame de Maeterlinck. Il y a quelqu'un qui a sonné. Un petit branle-bas s'opéra dans la chambre. L'homme s'arma d'un revolver. Les magistrats, peu confiants en le glaive de la justice, portent toujours sur eux un pistolet complémentaire. Il s'avança vers la porte d'entrée, accompagné de la jeune femme, elle-même armée d'un flambeau en simili-bronze. « Qui est là? Qui est là ?» Personne, comme de juste, ne répondit. Ils insistèrent. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, derrière cette porte ?» Le nommé Peau de Balle s'obstina dans son silence à la Maeterlinck. Il jouait sans doute le rôle de l'homme qui ne dit pas qu'il est là. Ils se rassurèrent alors. Quelqu'un de la maison, sans doute, s'était trompé de porte. Et ils reprirent leurs ébats. Moi, alors, nouveau coup de sonnette. Eux, seconde et plus effroyable encore, terreur. J'entendis nettement leur lividité croissante. Et pour en finir à jamais avec la magistrature de mon pays, je me saisis d'un balai. Pas un de ces balais qui servent aux sorcières à se rendre au sabbat, mais un de ces balais en forme de T, tout à fait propre à heurter un point situé hors de votre portée et sur votre plan. Pan, pan, pan. 3 coups frappés la nuit sur une persienne d'un 5e étage d'une maison sans balcon. Mystère, horreur, à peu près certain que ces personnalités sans mandat ne dormiraient plus de la nuit, moi, je goûtais un repos bien mérité. Le lendemain matin, l'homme donnait congé de son appartement. Et peu après, la petite femme épousait un brave commerçant du quartier. Le préfet mal reçu. Très fatigué par cette journée de chemin de fer et ces 2 heures de voiture, j'avais demandé en grâce à nos hôtes qu'on me laissât aller coucher tout de suite après dîner. Pas plus tôt ma bougie éteinte, je m'endormis à tour de bras. Mais pas pour longtemps, hélas, car bientôt des cris m'arrachaient à mon sommeil de brute avinée. Je dis des cris, ce n'est pas le mot exact, des appels seraient plus justes. Il y avait, non loin, des gens qui appelaient d'autres gens, et ces autres gens ne répondaient pas. « Théodore !»« Alexandrine !»« Alfred !»« Pierre !»« Elisa !» À en juger par le timbre différent des voix, chaque personne appelait une personne différente, chacune à son tour, avec un petit temps d'arrêt entre chaque appel. Tout à coup, comme atteinte d'une soudaine folie, Une de ces personnes cria très fort et en scandant soigneusement chaque mot. « Garçon, un boc, bien tiré, sans faux col !» Et toute la troupe d'éclater de rire. Dès lors, ce fut du délire. Ces gens entrèrent à bride abattue dans le domaine de l'incohérence. J'entendis successivement interpeller Félix Faure, Sarah Bernhardt, Léon XIII, Carandache, etc., etc., etc. Le tout sans préjudice pour diverses clameurs absolument imprévues comme « As-tu vu la lune ? Ohé, Lambert ! Et ta sœur ?» Voilà, pensais-je, une potée d'individus bien étrange. Et quelle curieuse occupation à 10 heures du soir d'interpeller le président de la République française ou le chef vénéré de la chrétienté, alors que ces deux personnages sont l'un au jardin de Paris, l'autre au Vatican, si loin de ces imbéciles clameurs. Il se fit une courte trêve, après quoi tous ces fous, car décidément c'étaient bien des aliénés qui se battaient ainsi, unirent leurs efforts pour proférer un énorme cri collectif de « Vive la République !» Et puis, tout rentra dans le silence. J'en conclus qu'un gardien intervenu avait invité messieurs les démons à aller se coucher. Je ne fus pas long à me rendormir. Le lendemain, dès le petit matin, mon hôte, ouvrant la fenêtre, inondait ma chambre de lumière, d'air, de parfums de fleurs et de chants d'oiseaux. « Allons, lève-toi, grand feignant. Tu n'es pas honteux d'être encore au lit à 7 heures du matin ?» Moi, je n'étais pas honteux le moins du monde, mais je fis semblant d'être confus pour faire plaisir à mon ami. « As-tu bien dormi, au moins ? » s'informa-t-il. « Comme le peintre Luigi Loire lui-même. Mais tu ne m'avais pas dit que ta propriété se voisinait d'une loufoque house ?»« D'une loufoque house ?» Oui, d'une maison de fous, si tu préfères. Je ne comprends pas. Comment ? Tu n'as pas entendu, hier soir, tous ces insanes qui vociféraient « Félix Faure et ta sœur, Carandache, as-tu vu la lune ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Mon ami se tenait les côtes. Alors tu as cru que c'était des fous ? Rassure-toi, ce ne sont que des imbéciles. Je te les montrerai tout à l'heure. Et j'appris que les vociférations de la veille se rapportaient tout simplement à un écho, un magnifique écho renvoyant très nettement les 3 dernières syllabes des mots prononcés devant lui. « L'écho du major Chipoteau, me dit mon ami, est célèbre dans la contrée. Pas de soir ou après dîner, les gens du pays ne viennent se faire répéter les 3 dernières syllabes de leurs hurlements idiots. Ah, il peut se vanter de me raser le major Chipoteau avec son écho, ou plutôt avec mon écho. Car en somme, c'est mon écho, cet écho-là, puisque c'est le mur de ma remise qui sert de réflecteur à la voix des Chipoteaux. Mais qui est ce major Chipoteau ? Oh, un ancien huissier de Melun qui se fait appeler major parce qu'il est capitaine dans la territoriale. » Et mon ami, arborant soudain une physionomie de ferveur extatique, fit d'une voix ardente cette prière. « Dieu des armées, si l'heure bénie sonne des revanches, faites que je n'ai point à combattre dans la phalange de cette andouille. » Précisément, ce jour-là, le malheur Chipoteau était en proie à une activité fébrile. On inaugurait le lendemain, sur la grande place de la commune, une statue érigée en l'honneur de l'illustre feu Louis-Victor Pétrousquin, un enfant du pays. Le préfet avait promis de descendre chez Chipoteau, rapport aux opinions cléricales et monarchistes du maire. Et Chipoteau préparait une réception digne de monsieur le préfet, duquel il attendait la croix pour le 14 juillet. Chipoteau, capitaine de l'armée territoriale, chevalier de la Légion d'honneur. Ah, dame, ce ne serait pas de la petite bière. L'ancien huissier embombait déjà sa vaillante poitrine. Tout se passa à merveille jusqu'au soir. L'illustre Pétrousquin se vit glorieusement inauguré dans son bronze commémoratif. Des discours furent prononcés comme s'il en pleuvait. Le préfet parla de la République et Chipoteau de la France, et tout le monde officiel s'en alla dîner. Chez Chipoteau, bien entendu. Pendant le dîner, il y eut quelques personnes qui ne perdirent pas leur temps dans la propriété voisine. Une idée diabolique nous était venue. Certainement, nous disions-nous. Chipoteau ne manquera pas, après dîner, de montrer son écho au préfet. Or, cet écho dépend de nous, puisque c'est sur le mur de notre remise que se réfléchit le son des chipoteaux. Si on démolissait la remise pendant qu'il dîne? Non, ce serait une blague un peu hors de prix. Non, mais sans démolir la remise, si on rendait le mur impropre à réfléchir le son? Comment cela? Ah, bien simple, en le capitonnant de bottes de foin. C'est ça! Allons-y gaiement. Nous y allâmes si gaiement qu'en moins d'une heure, toute la surface du mur réflecteur se trouvait bardée de bottes de foin. Et quand, sur le coup de 10 heures, le major Chipoteau amena monsieur le préfet au bon endroit et le pria d'appeler bien distinctement « Écho !» Le dit écho répondit non moins distinctement « pour la République. » Le major Chipoteau ne sera pas encore décoré cette année. La vaniteuse localité. Mais enfin, mille tonnerres de crêts de tonnerre, vous commencez à me raser avec vos grands hommes. Est-ce ma faute à moi s'il n'est jamais né le moindre grand homme dans notre pays? Et furieux, monsieur le maire frappait à coups redoublés le drap vert de la table. Cela se passait à une séance du conseil municipal de Bise-moi sur l'oreille. Quelques édiles s'étaient mis en tête d'ériger sur la principale place de Bise-moi une statue, ou tout au moins un fort buste. D'autres, peu exigeants, se seraient à la rigueur contentés d'une bonne plaque commémorative. On avait mis monsieur le maire en demeure de découvrir un grand homme, né natif de Bise-moi sur l'oreille, mais monsieur le maire n'avait rien trouvé du tout. « Vous ne me ferez pas croire, » s'écria un des plus farouches conseillers, « qu'il n'est pas né un seul grand homme à Bise-moi depuis le XIIIe siècle. Car enfin, Bise-moi date du XIIIe siècle. Et même, notre ville avait une certaine importance avant la Révolution. Ah, « je ne vous dis pas, » ripostait le pauvre maître. « Mais moi, je ne connais aucun grand homme né chez nous, et j'avoue ne pas m'en désoler autrement. Une ville peut très bien se passer de statues. Oh, de statues peut-être, mais de plaques commémoratives. Il m'est pénible à moi, citoyen de Bise-moi sur l'oreille, de penser que ma localité ne possède même pas une plaque commémorative. Une de ces plaques comme on en rencontre parfois sur des maisons dans des petites bourgades de 700 ou 800 habitants. « Ah oui, oui, oui, oui, c'est en effet intolérable !» appuya la majorité turbulente du conseil. « Si on fouillait dans les archives, peut-être trouverait-on un bonhomme du temps passé, digne de bronze ou de marbre. Ouais, c'est une idée. » Le secrétaire de la mairie fut chargé de cette recherche, à laquelle il travailla un long mois. Finalement, il dut avouer son insuccès. Le seul personnage vaguement notoire originaire de Bise-moi était un nommé Poncelet, qui fut gouverneur de Carcassonne sous Henri IV. Malheureusement, ce personnage ayant un beau jour livré la ville à l'armée belge contre une petite somme d'argent, peut-être ne convenait-il pas de perpétuer la mémoire de ce gentleman, dont, d'ailleurs, la femme avait eu une fâcheuse tendance à se mêler de ce qui ne la regardait pas. La population de Bise-moi sur l'oreille fut atterrée. Pas même une plaque commémorative à coller quelque part. À la suivante séance du conseil, un édile se leva, grave, et proposa « Messieurs, voulez-vous vous en rapporter à moi ? Notre vaillante petite cité aura sa plaque, tout comme une autre, et nous l'inaugurerons dimanche, pas plus tard !» On convint de s'en rapporter au mystérieux édile, il paraissait si sûr de lui, et d'attendre au dimanche suivant. À Bise-moi sur l'oreille, vivait, en une coquette petite maison de la rue Saint-Michel, un vieux général de brigade en retraite, le général Dumachin, Jean-Baptiste Auguste, un de ces héroïques débris qui, à l'instar du colonel Ramolo, ne se console pas de voir le gouvernement s'obstiner à recruter l'armée dans le civil. Ce vieux brave était venu là vivre tranquillement de sa retraite. Or, le dimanche suivant, vers 6 heures de l'après-midi, comme il revenait de la chasse chez des amis, le général Dumachin vit un grand attroupement autour de sa demeure. Le maire en écharpe et les autorités semblaient l'attendre. Dès qu'il parut, la fanfare municipale déchira l'air d'une vigoureuse marseillaise. La foule s'écarta, respectueuse, et le maire, sans un mot, mais avec une émotion visible, dirigea de son doigt tendu le regard du général vers une plaque de marbre fraîchement vissée au-dessus de la porte. Lapidaire et d'or, l'inscription disait « C'est dans cette maison que mourra notre illustre compatriote du machin, Jean-Baptiste Auguste, général français. » Du machin, Jean-Baptiste Auguste, général français, la trouva plutôt mauvaise, et je ne compte étonner personne en annonçant que sa coquette petite maison de la rue Saint-Michel est à vendre présentement, sans la plaque.